voyous, soyons voyons. J'ai vu, soyeux ton cul, soyons sérieux, ça y est. Mon esprit est souillé, ça y est. Mes centimètres se font ressentir. L'intensité de souillure, complètement. Je t'ai souillé, mais dans tes souhaits, tes rêves, tu n'étais pas sûr que ça suivrait l'amour, non. Je t'ai baisé dans mes pensées, toi là, n'étais pas la priorité. Défoncé, tu vois d'où tu bafouilles. Tu me dis voyou, mais toi tu viens d'où? Fais pas le fou. Si t'aimes pas les coups, à tous les coups, ta bitch veut un coup. Et depuis tout à l'heure, elle m'appelle en faisant la belle. Vas-y, fais-toi la belle, appelle-moi la bête. Je la baisse et prends ta hype bête. Bête, tu crois que je suis ha, get. Ta bitch s'essuie. Phase de réflexion, flex. Pour y donner sexe. Qu'elle comprenne que fiction n'est pas fiction. Qu'est-ce ça? M.A.N.D.O. dans le ton. Total érection ne laissera pas passer cette réaction. Autre que fellation. Fait par la fée. Fellation. Si assure-t-elle, obligée d'y donner une raidalisation. Ta bitch comprend ce que j'entreprends. Je vois les choses en grand. Pendant qu'elle bouffe mon gland. Elle prend la langue, m'appelle-le. Prends à l'extérieur, prends à l'intérieur. Tout à mon apparition, pas de partition. Elle crie en faction. Raidas Mendo, pour tout c'est trop gros. T'as goûté et tu ne penses plus qu'à en redemander. C'est de la drogue, tu divagues. On te fait goûter, tu divagues. Apprécie, puis après élargis les billets. T'es grillé, t'aimes pas remonter au rideau. Et tu ne sais plus comment t'en passer d'être tringlé. Aussi vite que sur ce beat, on te déglingue. Tu disais fissage, et partons la page. C'est plus d'actualité, car t'as eu l'idée de t'embarquer avec Raidas et Mendo. Envie de niquer sans cesse, travaille ton cerveau. Biatch, dis à ton mec que c'était passager. T'inquiète sans deck, tu peux aller le retrouver. N'en sois pas deg, nous hors ton teaser. Et garde ton tel, on pourrait te rappeler.